qui se passe de quoi? Un rapport, c'est ça. Il est libre maintenant, c'est ça? Il est libre, hein? Ouais. Il doit pas rester libre longtemps. Je pense pas. Non, je peux Johnny Depp. D'après moi, il y a une file d'attente. Ben, hein. C'est comme au Johnny Depp quand, au coin de la rue, le dépanneur. Ouais. T'as plein de madame qui t'attendent là. Non, mais c'est un dépanneur à ouvrir. Mettons, on t'appelle le Johnny Depp, là, clairement. Tu reviens en janvier avec une deuxième chronique. Je suis désapprouvé. Non, on approuve. On approuve et on seconde et on entérine. C'est et on entérine le bison. Hein? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Entériné? Entérine de bison, une terrine de bison. OK, terrine de des bison. Petits caclins, non, mais j'étais comme plus sûr là, de son jeu de mots. Là. C'est ce qui termine l'édition d'automne, pas mal de l'assemblage. 2012! L'assemblage réussi. Bye. Bonne fin de semaine. Salut. Bye bye. Pas à lundi. Lundi, à Assemblage requis. Oh, qu'on a bien en vacances. Ouais. Ouais, ben, prends un bol de céréales. Pis des gaufres. Oh non, il est midi, m'a dîné. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 17 décembre 2012, dernière de la session d'automne et de l'année 2012 au complet.